bonjour. Je tenais à vous remercier grandement pour votre émission d'aujourd'hui sur FIFA. Voilà, ça m'a permis de me remémorer de nombreuses soirées avec mes potes où on jouait à FIFA ensemble. Et surtout, des premiers de l'an, on se réunissait avec, autour d'un peu de champagne, faisant des soirées FIFA en jouant à 2 contre 2. Car les jeux de foot sont encore meilleurs à 2 contre 2 en local. Voilà, merci encore. Bisous. EA Sports. Turn the game. Oui, bonjour, Alix de Marseille. Voilà, je vous appelais au sujet de votre émission sur le FIFA. Je voulais aussi rajouter que PES n'avait pas les licences et donc ne présentait pas les vrais noms de joueurs. Et ça, quand FIFA est arrivé avec les vrais logos des marques sponsors de football, ça a été une vraie révolution puisqu'on jouait avec les vrais noms de joueurs et les vraies équipes, voilà. En plus, c'est une émission, à chaque fois je suis sur les fesses quand vous donnez tous les noms de ceux qui fabriquent l'émission. Il y a quand même une majorité de femmes et je trouve ça juste top. J'ai tellement de choses à vous dire, je vais prendre mon temps. When there's something wrong in a neighborhood, who are you gonna call? Blockbuster! Blockbuster, c'est vraiment une émission géniale. Pas une émission de geek, pas une émission pop en fait, mais une émission pour les fans. Et par conséquent, comme je suis une fan, j'ai quelques idées d'émission. Moi, j'aimerais une émission sur Hunger Games et sur Véronica Mars. Voilà. Pourquoi ? Bah parce que j'adore, voilà, et que j'ai envie d'en apprendre plus. Bonjour Blockbuster, Terry Pratchett. Je vous remercie, le Disque Monde, de nous faire vivre, Terry Pratchett, de si bons moments, Terry Pratchett, chaque été. Terry Pratchett, nous avons tous, Terry Pratchett, nos sujets qui nous tiennent à cœur. Terry Pratchett, moi, pas particulièrement. Terry Pratchett. Ouais, Fred, c'est Pierre. À force de t'écouter, j'ai l'impression qu'on est devenu pote. Je te demande à quand une émission sur Guy Ritchie. On parle de Snatch, Arnaque, Crime et Botanique, ou La Légende du Roi Arthur. Mais on veut Blockbuster toute l'année. On demande pas grand-chose. Allez, bonne émission à tous, et vive Blockbuster. To be or not to be, not to be. Vous sentez comme ils sont en panique, les producteurs hollywoodiens en ce moment. Harry Potter est terminé, son préquel cinématographique Les Animaux Fantastiques est très loin d'avoir eu le même succès. Il doit peut-être rester un ou deux manuscrits dans les tiroirs de J.K. Rowling, où Dumbledore effectuera ou pas son coming out. Tolkien n'est pas prêt d'écrire une suite au Seigneur des Anneaux, faute de respiration. Au pire, on a réalisé un biopic sur lui, mais on n'a pas pu mettre des hobbits dans chaque plan, histoire d'appâter le fan d'Heroic Fantasy. Star Wars à la sauce Disney se vend désormais comme Apple vend des iPhones. Études de marché, enquête de satisfaction, QCM pour choisir sa fin. Surtout ne pas froisser les fans. C'est eux qui nous font vivre. Game of Thrones, la série a au moins réussi une chose par rapport au roman. Elle s'est achevée. Hein, quant à George R. Martin, il semble actuellement plus occupé à raconter la vie d'un boulanger qui vivait au 15e siècle avant Jon Snow que par la fin de la saga de Daenerys et des Marcheurs Blancs. Star Trek reste Star Trek, brillant, bavard mais élitiste. James Cameron met tellement de temps à sortir la suite d'Avatar que quand elle sortira, on se dira pas que c'est une séquelle mais un remake. Seuls les super-héros Marvel continuent d'exploser le box-office avec une régularité qui impressionne et terrifie à la fois. Franchise qui grossit toujours plus, telle des algues vertes sur une plage antillaise. Si ça continue dans quelques années, on ne dira plus « je vais au cinéma » mais « je vais au Marvel ». Partout, les producteurs ou productrices avides se demandent quelle sera la nouvelle franchise qui garantira les traites de leur 13e maison ou réglera leur 6e divorce. Quelle œuvre littéraire suffisamment riche pourra générer 12 saisons sur HBO, 25 films au cinéma, 8 jeux vidéo ? Eh bien, cette œuvre, paradoxalement, elle existe. Et elle a même été adaptée, ou a tenté d'être adaptée, trop tôt, sûrement trop tôt. Foisonnante, visionnaire, philosophique, dense et complexe, cette œuvre s'appelle Dune. Et on vous en parle aujourd'hui. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Sigrist. Un commencement est un moment d'une délicatesse extrême. Sachez donc que l'on est en l'an 10191. À cette époque, la plus précieuse substance de l'univers est l'épice, le mélange. L'épice accroît la longévité. L'épice amplifie le champ de conscience. L'épice est vitale au voyage dans l'espace. En 1965, paraît un livre qui va définir et inspirer tout un pan de la science-fiction moderne. Son nom Dune. Son auteur, Frank Herbert. Prenant place dans un futur lointain où une post-humanité s'est libérée du joug des machines, sur une planète recouverte de sable dans lequel évoluent des vers géants, Frank Herbert raconte l'incroyable destin de Paul Atreides dans des luttes de clans où politique et religion s'entremêlent pour créer un univers sans pareil. Dune, pour les plus jeunes, et pour schématiser, c'est la rencontre de Game of Thrones et Star Wars. Dune, c'est tout simplement le livre de science-fiction le plus vendu au monde. Mais c'est également un livre dont les tentatives d'adaptation constituent une épopée en tant que telle. Ridley Scott, David Lynch, aujourd'hui Denis Villeneuve, mais surtout l'incroyable Alejandro Jodorowsky, le père de la BD culte La Caste des Métabarons, tous se sont confrontés à la difficulté de mettre en image le roman Dune. Pour parler de ce monument de la littérature SF, je suis entouré par l'œil de Chéri. Bonjour. Bonjour. Alors Lloyd, vous êtes journaliste culture au Point Pop. C'est ça. Vous venez, il y a très peu de temps, de faire paraître d'ailleurs un article formidable sur la fantaisie à la française. C'est ça. Pourquoi elle se vend mal. Voilà. Et donc j'étais lecteur, c'était très très bien, je tenais à vous le dire. Ah, merci. Voilà. Également avec nous, Nicolas Gary. Bonjour. Bonjour. Directeur de la publication du site Actualité. Mm-hmm. Voilà, alors vous aussi, vous êtes un grand lecteur de Dune devant l'Éternel. Très grand lecteur, relu, je pense, chaque année depuis que j'ai 18 ans et j'en ai beaucoup plus aujourd'hui. Et avec nous également, Brontis Jodorowsky. Je suis ravi de vous avoir avec nous. Je suis ravi d'être là. Parce que vous êtes sûrement, vous êtes le meilleur Paul Atreides de l'adaptation de Dune qui n'a jamais été faite, que je rencontre. Absolument, je suis le mythique. Voilà, donc ensemble on reviendra sur ce projet pharaonique qui a été porté par votre père. On parlera évidemment du roman, ce qui en fait une œuvre unique, culte pour certains, incompréhensible pour d'autres. On évoquera le parcours de Sisyphe que constitue pour un réalisateur l'envie d'adapter Dune sur grand écran. Et d'ailleurs, au fond, Dune doit-il ou est-il adaptable? Autant de questions auxquelles on va essayer de répondre. Vous êtes bien dans Blockbuster sur France Inter. Ah oui, j'oubliais de vous dire. L'épice n'existe que sur une seule planète dans tout l'univers. Désolée, aride, cette planète possède de vastes déserts. Caché dans les cavernes des rochers de ces déserts, vit un peuple connu sous le nom de Fremen, qui depuis longtemps prophétise la venue d'un homme, d'un messie, qui les conduirait vers la véritable liberté. Cette planète, c'est Arrakis, connue aussi sous le nom de Dune. Alors tout d'abord, l'œil de Chéri, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, pourriez-vous tenter de résumer Dune en très peu de temps? Et si vous y parvenez, je vous demanderai ensuite comment mettre fin au réchauffement climatique. Ok. Alors Dune, c'est une affaire de famille, vous voyez la référence. Donc ça se passe en 10191, l'empereur Shaddam IV envoie le duc Leto de la maison des Atreides sur la planète Arrakis, jusque-là contrôlée par la famille ennemie, la famille Harkonnen. L'univers que décrit Herbert est structuré, très structuré, féodalisé. Il est constitué de grandes familles, mais aussi de ducs, de barons, de vassaux. Et donc dans cette famille Atreide, le jeune Paul, fils de Leto, il débarque avec sa famille sur Arrakis et il va avoir des ennuis puisqu'en fait tout ça est une manipulation menée par l'empereur Shaddam IV qui va s'allier avec la famille Harkonnen pour détruire la famille Atreide. Paul perd son père et avec sa mère s'enfonce dans le désert. Spoiler. Il va rencontrer des Fremen, donc c'est un peuple autochtone de super guerriers qui essayent progressivement de terraformer la planète Dune, donc qui a un désert, et Paul va se transformer en messie et il va se venger et devenir petit à petit un empereur. Alors pour schématiser, parce que j'imagine bien que l'auditeur qui vient de se prendre une rafale de noms et d'informations comme ça, il doit avoir les oreilles qui saignent en disant « Qu'est-ce qui se passe ? Je ne comprends pas !» Pour résumer, en fait, Dune, c'est un petit peu les rois maudits dans l'espace. Il y a cette dimension, voilà, de trahison, d'intrigue de cour, de pouvoir qui essaie de te supplanter à l'autre sur une planète qui est intégralement recouverte par du sable et qui en plus a pour prédateur ultime d'énormes vers de terre qui se déplacent comme ça. Et évidemment, les gens qui auront vu la version de David Lynch, le film de David Lynch avec Kyle MacLachlan dans le rôle de Paul Atreides, se souviendront bien de ce à quoi je fais allusion. Alors, Nicolas Garry, est-ce qu'on peut véritablement dire que Dune est une œuvre de science-fiction? Parce que c'est vraiment dans un futur très très lointain, et finalement on n'a pas tous les oripeaux habituels de l'ASF, c'est-à-dire des vaisseaux, des machines. On a dépassé l'âge des machines. Alors c'est ce qui est très troublant avec Frank Herbert, c'est que il pose un univers dans lequel il est interdit de faire des machines qui soient à l'image de l'esprit de l'homme semblable. Donc tout ce qui est intelligence artificielle est éradiqué. Il existe des éléments très évolués, des vaisseaux qui sont capables de plier l'espace, c'est-à-dire de parcourir des milliers, mais des milliers, des distances, ils appellent ça des parsecs, des distances absolument terrifiantes pour l'esprit humain, en une fraction de seconde, juste parce que l'espace est plié. Mais il n'existe pas de véritable révolution technologique. Il n'en existe plus. Elles ont été stoppées lorsque le djihad butlérien a été mis en place. Djihad qui a dit « On arrête avec les machines, elles sont dangereuses, elles nous menacent. » Et c'est l'un des 50 000 points d'achoppement que l'on peut retrouver entre notre univers contemporain et ce livre publié il y a bientôt 60 ans, 70 ans. C'est que toutes les thématiques de Dune sont aujourd'hui des problématiques sociétales. C'est-à-dire tant sur l'écologie que sur la technologie qui avance et qu'on ne maîtrise pas, qui au bout d'un moment nous dépasse. À tout niveau. Dune, c'est une planète que Herbert a conçue alors qu'il bossait dans les années 60 pour un article. Il devait écrire sur les dunes du Wisconsin. Bon, article qui ne sortira jamais. Finalement, Herbert fait 5-6 ans de recherche et il aboutit à l'écriture de Dune. Donc on part d'un article de journaliste pour arriver à l'un des plus grands chefs-d'œuvre de la SF. Parce que ce livre contient à peu près tout. Il y a des réflexions sur l'écologie. Bien sûr, qu'est-ce que c'est qu'une planète qui est capable de vivre, de survivre? Quel est l'écosystème nécessaire pour qu'une planète toute de sable composé puisse continuer à fonctionner? Normalement, il y a un problème juste dans l'alimentation même du cycle du vivant. Il y a la réflexion sur le religieux, le fanatisme. Parce que oui, Paul va devenir une espèce de leader, ils vont l'appeler Muad'Dib et la petite souris du désert, mais qui en réalité signifie que c'est un leader charismatique qui va les mener à un conflit interplanétaire. Il va commettre plus d'atrocités, et Paul le dit dans la suite des romans, « Je suis le plus grand despote que la Terre n'ait jamais porté ». Manque de chance, c'est presque pas la vérité, son fils sera encore pire. Alors, évidemment, là, on vient de le voir, Dune va ouvre la porte sur des tas de sujets. Mais on va continuer, on va faire une petite pause musicale, parce que Toto a travaillé sur l'adaptation de Dune par David Lynch, et il semblait normal de rester dans le ton. On va donc écouter Africa, interprété par Toto. Some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. Longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. Ah, eh bien, on est toujours dans Blockbuster sur France Inter et vous venez d'entendre Africa de Toto. Blockbuster, Frédéric Sigrist sur France Inter. L'histoire nous enseigne tout, et en particulier ceci. Chaque révolution sème les graines de sa propre destruction. Tout empire est destiné, un jour ou l'autre, à mourir. Arrakis. Dune. Jadis le désert de l'univers. À présent une capitale impériale. Parce que c'est ici, et ici seulement, que vivent les vers géants des sables, favorisant la création de l'épice. Le plus grand trésor de l'univers. Cause de toutes les conspirations. De toutes les traîtrises, de tous les meurtres. Alors, Lloyd, chérie, est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous dire si quand Dune est paru aux États-Unis, ça a eu un succès immédiat ou s'il a fallu un petit peu attendre pour trouver un public fidèle? Alors, ça n'a pas été facile. Le livre s'est fait démonter par la critique dès le début. Sauf un, ça venait d'Arthur C. Clarke, qui avait fait une critique positive. Il était à ce moment-là en Inde, au pays des épices. Mais à part ça, les critiques ont vraiment cassé le roman. Heureusement, il y a eu des prix, très rapidement. Le prix Nebula et le prix Hugo, donc les deux meilleurs prix qui couronnent les livres de SF, donc en 66. Donc un an après, le livre est primé. Et au fur et à mesure, le livre commence à avoir son public. Et de plus en plus de gens vont adhérer à Dune. Ce qui était compliqué, c'était que le livre était très gros à l'époque. Donc c'était pas forcément évident pour les lecteurs. Par contre, en France, grâce à Gérard Klein et sa collection Ailleurs et Demain, publiée chez Robert Laffont, le succès est total. En tout, c'est 2 millions d'exemplaires qui s'écouleront en poche pour un livre de science-fiction. En comparaison, c'est ce qu'a fait Barjavel avec La Nuit des Temps. Oui, mais c'est vrai que Dune, c'est un roman de science-fiction un petit peu particulier, parce que d'habitude, l'auteur prend le lecteur par la main et rentre dans un univers. Moi, je sais que la première fois que j'ai lu Dune, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est le nombre d'informations et d'éléments que l'auteur prend pour acquis. C'est-à-dire qu'on est déjà dans un univers qui a commencé largement avant qu'on commence à ouvrir le livre, et qui se terminera même presque après nous. C'est cette idée d'univers étendu, comme s'il avait une photographie d'un univers qui n'existe pas. Nicolas Garry, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est le plus grand talent d'Herbert, en fait. On parle des Fremen. Les Fremen découlent d'une civilisation qui est appelée les Zen-Sunni. Dans Zen-Sunni, on retrouve Zen et Sunni, sunnites comme l'islam. Et effectivement, les Fremen sont des descendants quelques 8000 ans après notre ère des philosophes sunnites et de l'islam. Il parle de la Bible catholique orange. Alors pourquoi elle est devenue orange, on n'en a aucune idée. Mais tous les éléments sont là pour qu'on retrouve notre propre univers contemporain. Et puis celui d'Herbert en 60 quand il commence à écrire. Donc tous les éléments, toutes les bases sont là. La pliure de l'espace, c'est les théories de la relativité qui sont déjà en vigueur à cette époque. En fait, le lecteur n'a pas tant d'efforts que ça à faire pour rentrer dans l'univers, d'autant plus que c'est un système de féodalité, comme tu disais, effectivement, et qu'on connaît tous, nous, Européens. C'est peut-être ce qui a choqué, en plus, le public américain et la critique américaine, c'est que le Roi Soleil, on connaît tous en Europe. Et effectivement, le Roi Soleil, c'est le cœur de Dune. C'est véritablement des familles aristocratiques qui vont s'entretuer. Il y a du Game of Thrones, bien entendu, et bien avant l'heure, avec un peu plus de talent. Mais bim ! Quelque chose qu'on connaît déjà. Donc la sensibilité des lecteurs européens était déjà affûtée par rapport à ça. Et puis, on rentre là-dedans avec l'histoire de cet adolescent qui fait des rêves étranges, à qui on va immédiatement, dès les 10 premières pages, demander de mettre sa main dans une boîte. Il a l'impression que sa main le brûle à un degré insupportable de douleur. Il la sort, elle est intacte. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on attend de lui ? Et alors, Brontis Jodorowsky, vous deviez incarner tout jeune Paul Atreides dans le film qui n'a jamais vu le jour, réalisé par votre père, Alejandro Jodorowsky. Et vous n'avez jamais lu Dune jusqu'à il y a très peu de temps, en fait. Non, en fait, je viens de commencer. C'est très étrange parce que j'ai commencé le livre il y a 2-3 semaines Et il y a une semaine, j'étais invité à cette émission. Donc je me suis dit, bon, il y a une conjonction. Parce que comme le film va être réalisé, la nouvelle version va être tentée par Denis Villeneuve. Maintenant, je sais que c'est deux films en plus. Il a fait en deux parties parce que le roman est tellement énorme, est tellement riche. Que je me suis dit, bon, là, ça m'intéresse. C'est un réalisateur que j'aime bien. J'avais beaucoup aimé The Arrival. Et Incendie avant, et je me suis dit, tiens, lui peut-être qu'il peut faire quelque chose qui s'approche du film. Mais à l'époque, c'est un peu comme ce que tu disais, c'est-à-dire que c'était un roman pratiquement inadaptable tel quel. Et mon père, quand il a travaillé sur le film, il est parti de cet univers-là pour créer sa propre histoire, cette espèce d'univers, d'une parallèle. En fait, hein, qu'on parle d'univers parallèle, je pense que c'est le seul moyen d'aborder une histoire comme celle-là, vu l'écriture, vu ce que j'ai déjà perçu de cette écriture. Et donc lui, il a fait ce storyboard magnifique, et il m'a préparé, enfin on s'est préparé pour le film, et à l'époque je voulais lire le roman, j'avais 12-13 ans, j'étais déjà très sérieux, et donc je dois lire le livre, et il m'a interdit de lire le livre. C'est lui qui a interdit. Oui, il m'a dit non, tu dois pas le lire parce que sinon tu vas être en train de jouer sur deux choses, deux histoires. Ça, c'est une adaptation. Tu dois faire l'histoire que moi j'ai écrit à partir de là. Plus tard, quand le projet a capoté, on adhère à son histoire. Donc on n'est pas allé voir le film de David Lynch. Malgré que j'adore David Lynch comme réalisateur, même dans ses dernières réalisations qui sont plus des œuvres plastiques que des films. Donc on n'est pas allé le voir, on l'a vu que très très tard parce qu'on avait des ressentiments, de la jalousie ou je sais pas quoi. Finalement le film pour moi, selon mon goût, n'est pas du tout au niveau de ce que j'imaginais le film pouvait être. On va en parler dans une deuxième partie de l'émission. Pour l'instant... Et après je me suis dit, c'est resté comme ça, tu vois. Bon, on va parler de tout ça, mais pour l'instant on va écouter Prudence Castello et Chloé Brassière de l'ordre du Bene Gesserit qui sont allés à la rencontre de vous les auditeurs pour savoir ce que Dune évoquait aujourd'hui aux gens de la rue. Je sais que c'est un best-seller, c'est un livre de science-fiction assez connu. Après je ne l'ai jamais lu, mais je serais curieux de le lire. Comment j'ai découvert Dune? C'est mon frère. Je sais pas pourquoi il adore cet univers et il a vu donc le doc du film de Jodorowsky. Il a vu le Lynch et il veut voir le Villeneuve qui va sortir. Alors, j'en ai vraiment un lointain souvenir du film de Lynch et j'avais trouvé le film un peu inclassable et d'après ce que j'ai compris, un peu comme le livre. Non, j'ai jamais entendu parler. Ce qui est vraiment fascinant en fait dans Dune, c'est que c'est un patchwork de plein d'influences littéraires et... historique. Le seul mec que je lis en SF, c'est Tolkien, mais voilà. Moi, je ne lis pas de science-fiction, donc je ne risque pas d'avoir lu le livre. Je pense que Dune, il n'a pas trouvé son public. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est pour un adolescent de 15 ans qui est fan de SF, ou si c'est pour une personne un peu plus cultivée, entre guillemets, encore c'est un mot un peu fort, sur l'univers de Dune, ou l'univers que propose Dune à ce moment-là. Donc il n'y a pas de public visé, et c'est pour ça que je trouve que c'est difficile pour lui de s'imposer en tant que saga. Alors je rappelle que vous pouvez tout cet été, via notre répondeur, nous laisser un message au 01 56 40 30 20. Je répète le 01 56 40 30 20 sur le sujet du jour, donc en l'occurrence aujourd'hui, Dune. Alors à un moment donné, dans le micro-trottoir, on a entendu quelqu'un parler du véritable rôle de l'épice. Et c'est vrai que quand on lit Dune, je dirais que l'exégèse sommaire qu'on peut en faire, c'est de se dire, ok, l'épice c'est le pétrole. Voilà, c'est la ressource principale, c'est ce qui permet d'asseoir son pouvoir. Mais il y a aussi une dimension philosophique sur ce qu'est vraiment cette épice, parce que c'est une épice qui permet d'ouvrir les consciences, qui permet d'ouvrir le mental des habitants. Donc est-ce qu'on est plutôt du côté matériel, l'épice c'est du fric, ou c'est plutôt une forme de LSD, ou même tout simplement une sorte d'allégorie de la connaissance, de l'accès à la culture? Votre avis là-dessus? Lloyd, Nicolas, Brontis. Tout le monde, dans la description qu'on a eue jusqu'à présent de l'univers de Dune, très féodal, même antique, parce que les Atreides, c'est les Atrides, hein, c'est l'Antiquité. Hein. La famille maudite, ouais. Voilà, avec Agamemnon, Iphigénie sacrifiée, etc. Bon. C'est la description d'un monde hyper matérialiste. Non, et tous sont en train de courir derrière une matière première qui donne accès à une forme de spiritualité. Oui, c'est assez drôle que, alors que dans un monde très très matérialiste, on court après le pétrole. Bon, le pétrole, voilà, ça nous apporte pas On peut aussi lire les pistes comme, puisque ça a été écrit dans les années 60 et ça continue dans les années 70-80, les pistes, c'est aussi la drogue, c'est aussi le flower power, c'est aussi une époque, hein, mais c'est surtout, enfin, en tout cas, quand Herbert décide de créer son univers, il pense à l'OPEP, l'OPEP, donc la gestion du pétrole, ça a été son inspiration, puisqu'il se rendait compte que à ce moment-là, le pétrole devenait celui qui contrôlait le pétrole contrôlait un peu la planète. Et c'est ce qu'on voit dans Dune, celui qui contrôle l'épice contrôle la galaxie. Oui, d'ailleurs, il transforme l'OPEP en CHOM, la chambre des honnêtes auberts marchands, et effectivement, c'est le même contrôle. Pour moi, l'épice, alors c'est pas un regard d'analyse très précis, mais l'épice, c'est quelque chose qui est un dépassement de l'être humain. D'abord, ça provient d'une créature que personne ne comprend, ces vers géants qui font des centaines de mètres de long. Déjà, il faut arriver à concevoir le gigantisme de ces créatures. C'est hors norme. Et grosso modo, quand elles défèquent, à peu de choses près, elles produisent de l'épice. Bon, si on arrive à la ramasser sans se faire bouffer, parce que il faut encore arriver à échapper au ver des sables, qu'on arrive à la traiter, qu'on la prépare, qu'on l'aménage, les Fremen ont leurs propres moyens. On l'ingère et grosso modo, soit on l'utilise pour des rites comme ceux des Fremen, qui sont des rites absolument des orgies. Au sens premier, c'est des bacchanales ce qu'ils organisent, véritablement. D'ailleurs, Herbert est très pudique là-dessus, mais ça sent le sexe à plein nez quand même. Soit on l'utilise comme... J'aime bien quand vous en parlez. Comme le Bene Gesserit. Quand je parle de sexe, vous aimez bien soit on l'utilise comme le Bene Gesserit, et alors là, c'est un niveau de conscience mais transcendantal auquel on arrive, parce que ces femmes, en parvenant à l'intérieur d'elles-mêmes à synthétiser la molécule de l'épice, elles parviennent à accéder à la conscience de leurs ancêtres. Je résume, je prends l'épice quand je suis une femme, et uniquement une femme, parce que les hommes qui ont essayé meurent, tous les uns après les autres. Quand je suis une femme du Bene Gesserit, je peux remonter jusqu'à ma naissance et accéder aux souvenirs de mes parents au moment de ma conception, et des souvenirs des parents de mes parents et des parents... Et je peux remonter jusqu'à l'origine des temps. Et ça, c'est l'accès à ce qu'elles appellent la mémoire seconde, et ça fout le vertige, cette idée de pouvoir parvenir à rentrer dans l'esprit de ses parents. Et en même temps, c'est très dangereux, parce que l'un des parents pourrait décider que s'il revient au niveau de conscience, bah, il a bien envie de prendre possession du corps dans lequel il est. Et c'est l'un des plus grands dangers. Pour les amateurs de Star Wars, on peut aussi voir l'épice comme la force, aussi, puisque l'épice donne la force. Ça fait aussi partie des inspirations que George Lucas a pris dans... D'ailleurs, il y a énormément d'emprunts faits à Dune par George Lucas... Tatooine, planète sur laquelle a grandi Luke, rappelle, ça pourrait totalement être la planète Arrakis. Avec le même schéma du héros, avec un héros qui va sauver la galaxie. Alors, on va découvrir plus tard que c'est pas vraiment le cas. Et puis on a un empereur aussi, un empereur maléfique. Donc on retrouve quand même des petites références. Alors je l'ai dit en début d'émission, je suis entouré par des experts, mais il va falloir le prouver, parce que les gens sont méfiants. C'est le moment du détecteur de mensonges. Je vais vous poser trois questions, extrêmement pointues concernant Dune. Saurez-vous y répondre ? Frank Herbert a écrit Dune, mais pourquoi n'a-t-il jamais écrit Et de deux ? Merci Bontis, je m'étais donné beaucoup de mal. Il m'a fallu vraiment. Tu vois, moi, je me disais, mais c'était Radio France, une émission littéraire sur un grand roman de science-fiction. Ne vous inquiétez pas, la direction aussi s'est pas dit la même chose quand elle m'écoute. Elle dit, c'est pas possible, mais comment on a fait pour lui donner l'antenne? Donc, vous n'avez pas de solution. Non, vous êtes juste consterné, c'est bien, c'était la réaction voulue. Deuxième question. Sur Arrakis, on se bat pour l'épice, mais quel est le plat le plus épicé? Le vindaloo, le jerk ou les crevettes créoles? Vous pouvez répondre chez vous. J'ai la réponse, pourquoi pas de deux, en fait. Pourquoi pas de deux? Ouais, mais je la donnerai après que j'ai donné la réponse aux crevettes. Complément d'enquête. Ah, je donne ma réponse, c'était les crevettes créoles, voyons. Mais regardez la tronche de l'animateur. Après, je vais dire que c'est un plat jamaïcain ou indien, mais non, c'est les crevettes créoles. Dernière question. Dune a influencé Star Wars, Game of Thrones, mais aussi une autre série moins connue. Laquelle? Dune? Non. La série moins connue. Encore quelques secondes. Hop. Eh bien, c'est évidemment Tandem sur France 3, car le héros s'appelle Paul, comme Paul Atréide. Et c'est impossible que ça soit une coïncidence. Voilà, et bah écoutez, vous n'avez d'expert que le nom. Bon allez, pour se récompenser, pour oublier ce grand moment, on va écouter Masai, interprété par Mathieu Chédid, plus connu sous le nom de M. Cette émission est réalisée par la brillante Céline Hila. La programmation musicale est signée par la non moins pétillante Muriel Pérez. Marie Mougin, Chloé Brassière et Prudence Castelot m'ont aidé à préparer cette émission. Et avec nous à la technique aujourd'hui, Elisabeth Collet. Le dormeur doit se réveiller. Tu penses à quoi? Aux rêves inutiles. Loin d'être sage, je songe comme un singe des villes. Tu penses à quoi? Ému par l'univers. Quand ma vie danse en transe au bras de l'enfer. De l'enfer. Ma soleil. Ces histoires ma soleil. Tout ce visage m'assaille, si souvent, si souvent. Toute une vie qui s'étonne dans ce miroir subtil, fatal, ce regard sans âge qui résonne millénaire des visages. Ma soleil. Ces histoires m'assaillent et tous ces visages m'assaillent. Si souvent, ouais, si souvent. Cette vie toxique, je m'envole dans les airs. Béton armé dans une armure amère. Vague nausée, fébrile, fidèle, éphémère. Éphémère. Éphémère. Et tous ces visages m'assaillent aussi souvent. C'était M avec Masai. Alors, on a parlé de Dune, le roman, mais il y a aussi Dune, les films, les mini-séries, les projets avortés, et notamment le projet pharaonique d'Alejandro Jodorowsky, sur lequel il y a un documentaire auquel vous pouvez avoir accès sur Internet. C'est Jodorowsky's Dune de Frank Pavic. C'est un projet incroyable, parce qu'initialement, votre père, Alejandro Jodorowsky, voulait donc faire Dune avec Jean Giraud Mobius, qui a dessiné tout le storyboard, oui. Pink Floyd à la musique. Oui, il y avait Chris Foss qui a fait dessiner tous les vaisseaux, Et Chris Voss était un dessinateur de couverture de science-fiction de chez J'ai lu. Il faisait des vaisseaux incroyables. Avec Salvatore Dalí également. Oui, absolument. Il devait être là. Il était payé à la minute. Il devait être payé à la minute, Salvatore Dalí. 100 000 dollars la minute. Mais 100 000 dollars à l'écran. C'est comme ça qu'il s'est fait un petit peu avoir par l'intelligence de Michel Sédoux, parce qu'il avait demandé un prix énorme. Il a dit, écoutez. Qui était le producteur. Le producteur du film. Et Dalí voulait être l'acteur le plus payé au monde. Donc il a dit, mais très bien, on va vous payer 100 000 dollars la minute à l'écran. Évidemment, avec le montage, au final, il aurait été 5 minutes à l'écran. Donc on aurait eu Dalí pour 500 000 dollars, ce qui était vraiment. Mick Jagger également, je crois. Mick Jagger avait été approché. Il y avait bon, mon père était un homme qui est extrêmement curieux, qui a toujours aimé mélanger les différents arts, qui était sensible à la pop culture depuis toujours. Et mon père, on lisait des comics quand on était enfant, mais il les collectionnait. Il était assez en avance, comme beaucoup d'artistes, voilà, qui sont un peu visionnaires. Quand il a vu le roman de Dune, il a senti ce qu'il y avait de visionnaire dedans, il a fait son adaptation et il a voulu joindre à tous les artistes qui étaient en pleine floraison à ce moment-là. Ça aurait été vraiment un témoignage aussi de l'art qu'il y avait dans les années 70, parce que le projet date de 72 jusqu'à 74. Mais au-delà du casting, c'était l'idée de faire un film qui serait le premier film de science-fiction à grand budget, parce qu'il n'existait pas à cette époque-là. Star Wars n'avait pas encore été fait. Non, pas du tout. Star Wars, quelque part, est né du projet de Dune, comme sont nés Alien et d'autres films plus tard. À cette époque-là, la science-fiction, c'était Flash Gordon, ou évidemment 2001, Odyssée de l'espace, qui était une espèce d'objet rare et déjà métaphysique. Et un film Dune qui a finalement fini par être adapté par David Lynch. Et il faut l'avouer, c'est un film qui n'a pas mis tout le monde d'accord. Et on va l'entendre dans la séquence « J'aime pas ». J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Mais globalement, c'est un flop total. Et alors, il y a des choses d'un ridicule absolu. Enfin, Dune est, à mon avis, un roman qui était totalement inadaptable au cinéma. C'est une merde, ce film. C'est une merde. Tout le monde le sait. Tu veux qu'il le dise? C'est une merde. Mais il n'est pas coupable. C'est un film à éviter. Allez plutôt voir La Guerre des Étoiles, qui, dans le genre, est bien mieux fait. Mais alors, celui qui a été le plus virulent avec ce film, eh bien, c'est encore David Lynch lui-même. That's my one big failure. But I learned a tremendous amount on that film. Aujourd'hui, je considère que ce film a été mon grand échec, mais j'ai beaucoup appris. J'aimais Dino et sa fille, Rafaela, la distribution, l'équipe et Mexico, où j'ai vécu pendant 18 mois. Le tournage de Dune a duré 3 ans. But it was a nightmare. C'était un cauchemar. And it was a nightmare. Le silence de David Lynch quand il parle de ce projet. Il doit avoir une clause dans son contrat qui lui interdit de dire exactement ce qui s'est passé. Ah oui, je pense qu'il s'est arrêté. C'était vraiment, je peux pas. L'histoire, c'est que le projet a été repris par Dino De Laurentiis, un grand producteur italien de peplum, etc., qui a de trucs à gros budget. Il avait fait le King Kong quand il était un des premiers qui a refait. Il l'a confié à sa fille, qui était passionnée par le roman, d'après ce que je sais. Elle me contredirait si je me trompe. Et David Lynch, qui était un artiste totalement libre, s'est retrouvé dans un système hollywoodien avec des stars, etc. Et surtout. Et d'autant que pour baisser les coûts, il tournait Conan le Destructeur en même temps et il se partageait les équipes de tournage. Voilà, je pense que dans le livre, comme ce que tu disais tout à l'heure, il y a une philosophie, il y a un esprit, il y a quelque chose qui est véhiculé. Dans le projet qu'avait mon père avec Michel Sédoux, ils avaient une vision d'un film qui serait pas seulement un objet commercial, qui évidemment ils espéraient un succès commercial, mais un film qui porterait quelque chose. Et je pense que De Laurentiis, qui était un vrai commerçant du cinéma, comme il y en a beaucoup, après tout le cinéma est aussi une industrie, n'a probablement vu que le projet. Il s'est dit tiens. Je vais prendre David Lynch, ce sera un bon cachet arty, mais je vais faire un film commercial. Mais alors, comment on explique à l'heure de l'adaptation tout azimut de grandes sagas et l'exploitation littéraire de sagas fantastiques, de SF, comment on explique que Dune, finalement, met autant de temps à revenir au premier plan ? Alors, il y a une première réponse qui est très simple, c'est que jusqu'à présent, les héritiers, la Frank Herbert Estate, donc qui est la structure chargée des droits de l'ensemble de l'œuvre, qui est dirigée par son fils, n'avait pour l'instant pas signé quoi que ce soit qui autorise qui que ce soit à faire quoi que ce soit. Autrement dit, le premier qui bouge une oreille, on le décapite, et c'est un procès pour violation de droit d'auteur. Depuis novembre 2016, Legendary Entertainment a signé les droits nécessaires, donc a dû faire un chèque long comme la queue d'un ver des sables, pour le coup, et a le droit désormais de produire le nombre d'objets marketing dérivés qu'ils pourront imaginer. Ça va commencer par les films de Villeneuve, ça va s'embrayer avec des figurines, avec des jeux de cartes, avec une mini-série, avec tout et n'importe quoi. Enfin, on peut tout imaginer. On va être assaisonné à la sauce épice, c'est le cas de le dire, durant plusieurs années. Parce que maintenant, quelqu'un a le droit, légitimement, de faire ça. Et légitimement, et surtout juridiquement, de faire ça. Donc c'est-à-dire que dans un futur proche, on peut assister à une saturation de l'univers Dune, comme on peut le voir pour Star Wars, pour les super-héros Marvel ou autre. Ouais, on va saturer d'épices, ouais, c'est sûr. Mais à la différence de ce que... Ah, à la différence, en tout cas, c'est ce que modestement je souhaite. Mais à la différence de ce qu'on a pu voir avec Marvel et les autres, Dune n'a pas cette portée. Il y a une dimension métaphysique, spirituelle, philosophique dans Dune qui n'existe pas dans les autres univers de SF qu'on connaît. Idolâtre ! Vous vous égarez en adorant des choses que vous ne pouvez même pas comprendre. Vous vous ridiculisez en suivant ces rats de rituels et de cérémonies. Ils ne vous enseignent que la peur. Et en retour, vous leur offrez une totale obéissance. Mais je vous préviens, ceux qui accepteront d'avoir été trompés périront par cette même tromperie. Et ceux qui prieront dans le désert pour que l'eau vienne, ceux-là même provoqueront le déluge. L'œil de chéri, vous vouliez intervenir, rebondir sur les propos de Nicolas Garry. Oui, ce qui me semble maintenant possible avec l'adaptation, les adaptations de Dune qui vont arriver, c'est que je pense que le spectateur est prêt à voir d'avoir un héros pas comme les autres. C'est-à-dire que quand même, Paul Atreides, c'est un héros dans le Dune, le premier roman, il suit le chemin du héros qui va devenir empereur, et à la fin, il se transforme en tyran. Et ce qu'on remarque avec Dune, c'est un peu un parallèle avec Alexandre le Grand. Ça veut dire qu'il conquiert un royaume, il impose une religion et il termine mal. Et ça, je pense que Game of Thrones a aidé dans ses évolutions à avoir des personnages soit qui vont pas tenir très longtemps une série ou soit qui vont se transformer en monstres. Et tout le... Alors est-ce que c'est Game of Thrones qui a aidé qui va aider le spectateur, mais en fait c'est plutôt Dune qui a aidé Game of Thrones à s'écrire comme ça. Martin est fan de Dune, notamment on voit les assassins sans visage sont inspirés directement des danseurs visage qui sont des tueurs polymorphes qu'on voit dans le Messie de Dune notamment. Et du coup c'est ça qui est possible, c'est que je pense que le spectateur est prêt à voir un personnage se transformer en tyran, en leader charismatique. Herbert le disait, pour lui, Paul Atreides, il s'est inspiré de l'arrivée au pouvoir d'Hitler dans les années 30 pour créer son héros et comment son héros arrive au pouvoir. Donc une des leçons, une des morales de Dune, c'est se méfier des leaders charismatiques, des gens qui peuvent manipuler les foules parce qu'ils ont un charisme certain. Et il y a aussi cette dimension religieuse qui est beaucoup plus présente dans Dune que dans bien des récits de science-fiction, dont j'aimerais qu'on parle un petit peu, parce que la religion dans Dune, c'est presque un dossier à part entière. Alors, les religions. En réalité. D'abord, il y a un point, c'est que Dune, on va parler du premier tome, en fait ce sont 6 livres qui arrivent à s'écrire sur 20, 30, 40, 50, 60 000 ans, à peu de choses près. Et que à l'intérieur de ce cycle, sur cette période de temps démesurée, inconcevable pour nous, les religions conservent une force première. Pourquoi ? On confie aux femmes, à nouveau, le soin de préserver l'humanité, ou tout du moins elles se sont attribuées ce rôle. C'est le Bene Gesserit, c'est une caste composée exclusivement de femmes, c'est celle qui arrive à accéder aux mémoires secondes dont je parlais tout à l'heure. Et elles ont décidé de conquérir la planète et toutes les planètes du système dans lequel elles vivent grâce à ce qu'elles appellent la Missionaria Protectiva, qui est un petit truc, une petite astuce très simple. On vient à un endroit, on essaye de repérer les légendes et on accomplit une des légendes. Je vous en raconte une très simple. Un jour viendra une femme qui sera vierge, qui mettra au monde un enfant, un fils de préférence. Ben là, la missionnariat protectiva intervient et dit ben « Très bien, on va vous trouver une vierge, on va vous trouver un fils pour cette vierge et on va vous créer un dieu. » Et leur pouvoir, leur plus grande force, c'est de contrôler la création de religion de cette manière-là. Ce qui nous interroge assez violemment sur ce à quoi sert une religion. C'est totalement détaché du système de foi. Mais en parallèle de cette espèce de côté cynique dans l'approche du religieux, du fait religieux, il y a aussi des groupes, le Bennett Lelax dont tu parlais, qui lui a une foi démesurée en quelque chose de totalement inconcevable. Et puis il y a Paul Atréide. Paul Atréide, il est censé incarner le Kwisatz Haderach, cette espèce d'être capable d'être à deux endroits simultanément, en même temps, une ubiquité incroyable, et qui est pourtant l'acte de foi du Bene Gesserit, alors même que ce sont des femmes qui savent qu'elles créent des dieux et façonnent des religions comme on sert le petit-déj le matin. Donc il y a un paradoxe fantastique de ces personnages qui veulent du religieux, qui veulent l'utiliser, s'en servir comme un outil politique. C'était Borderline de Tame Impala. Attention, qui que vous soyez, attention. Blockbuster. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Frédéric Sigrist. Sans blague. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Sur France Inter. Et c'est l'heure du jeu. Aujourd'hui, on a Anudar d'Ardèche au téléphone. Bonsoir. Bonsoir Anudar. Bonjour. Bonjour, oui. Bon, vous allez bien? Eh bien, très bien, merci, et vous? Mais oui, impeccable. Mieux quand je vous ai au téléphone. Alors, vous allez jouer avec nous voilà, dans cette émission, dans ce blockbuster. Donc, je vais vous poser trois questions. Il faudra répondre en 25 secondes chrono. D'accord. Si vous ne pouvez pas répondre ou vous avez dépassé le temps imparti, vous avez le droit de demander un joker, c'est-à-dire d'être aidé par l'invité de votre choix. Voilà, vous me dites et peut-être qu'ils répondront ou non. On est d'accord ? D'accord. Première question. Si je vous donne le chiffre 3, c'est le nombre de cinéastes ayant tenté de réaliser la saga Dune au cinéma. Réponse B, le nombre d'épisodes que compose la mini-série Les Enfants de Dune. Ou réponse C, le nombre de romans écrits par Frank Herbert autour de l'univers de Dune. C'est la réponse B. Le nombre d'épisodes que compose la mini-série des Enfants... Eh bien, c'est une bonne réponse. Bravo, Anida. Alors, question suivante. Attention, faut pas se réjouir. Parce que ça peut devenir beaucoup plus compliqué. Qu'est-ce que Star Wars n'a pas repris à Dune? Alors, c'est une question ouverte? C'est une question ouverte. Qu'est-ce que Star Wars n'a pas repris à Alors, Dune? Oui, c'est la force, qu'est-ce... bien sûr. La force, mais plus exactement. Lloyd Cherry vous a donné un indice durant cette émission. Les sabres laser? Non. Non. Si je vous dis, si je vous parle d'un peu... temps s'est écoulé. Est-ce que vous voulez utiliser le Joker? Bien sûr, je demande le Joker de Lloyd Cherry. Merci beaucoup. Alors attention, alors je repose la question, Lloyd Cherry. Qu'est-ce que Star Wars n'a pas repris à Dune? Eh bien, qu'est-ce qu'il n'y a pas? Bah, il n'y a pas d'épée laser dans Dune. Oh, il y a des lasers, mais surtout, le héros sauve pas la galaxie. Non. La force, la force. On peut l'éviter, le côté l'évitation de la force. La force, ça correspondait à quoi dans l'émission? À l'épice. Ok. Eh ben, c'est l'épice. Voilà, bonne réponse de Lloyd. On va dire qu'on l'avait gagné. Et enfin, dernière question. Voilà, dernière question, Anoda. À quel réalisateur appartient cette voix? The thing is, I wanted to take a break right now, but I'm working slowly on the adaptation of one of my favorite sci-fi books. C'est Denis Villeneuve. Bonne réponse! Bonne réponse! C'est une victoire! Eh bien, écoutez, vous avez gagné, Anudar, vous avez gagné le hors-série du point sur le dossier science-fiction. Ça va? Ça fait plaisir? C'est parfait, je suis très content. Merci beaucoup. Eh bien, merci à vous d'avoir pris le temps de participer. Ça nous a fait plaisir de vous avoir avec nous. Eh bien, le plaisir était partagé. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Alors, je tiens à adresser un grand merci à tous nos invités, Lloyd Cherry, Nicolas Gary, Brontis Jodorowsky. Merci à vous. C'était vraiment un plaisir de vous avoir avec nous. Je rappelle que vous pouvez tous cet été, via notre répondeur, nous laisser un message au 01 56 40 30 20. Je répète, le 01 56 40 30 20 sur le sujet du jour, c'est-à-dire Dune. The liberation of the imagination is something devoutly to be wished in our society. La libération de l'imagination est quelque chose de hautement souhaitable dans notre société parce que la plupart des modes d'éducation que j'ai rencontrés à travers la planète tendent à réprimer l'imagination et la science-fiction est une porte grande ouverte sur l'imaginaire, ce qui permet aux gens d'exercer et de retrouver cette faculté dont nous avons si désespérément besoin dans notre monde. Et on se retrouve demain pour parler stéthoscope, blouse blanche et réanimation. Demain, on parle de la série Urgence.